J'ai pas pris un Vishkin dans mon pool. J'avais le choix en Perry pis Stamkos. J'ai pas pris un Vishkin dans mon pool. J'aurais-tu dû prendre un Vishkin? Ton poule, j'aurais-tu dû prendre Ovechkin? À la maison devant les enfants, ils sont morts de rire. Apprenant que j'ai pas pris Ovechkin dans mon pool, et j'aurais-tu dû prendre Ovechkin? Ton poule, ah, j'aurais-tu dû prendre. Oh, mais...